Exercice 9, page 160. A. Il est menteur. Transformé. Elle est menteuse. B. Il est dormeur. Transformé. Elle est dormeuse. C. Il est rêveur. Transformé. Elle est rêveuse. D. Il est amoureux. Transformé. Elle est amoureuse. E. Il est chaleureux. Transformé. Elle est chaleureuse. F. Il est courageux. Transformée. Elle est courageuse.